Pages arrachées au roman de Serge Rezvani. La traversée des monts noirs. Extrait lu par Yannick Choira. Bon, je suis très heureux de pouvoir dire quelques mots sur mon livre La traversée des monts noirs, parce que c'est un de mes livres les plus chers pour des tas de raisons. Principalement parce que je parle de... C'est le livre de ma mère, bien que je ne parle pas de ma mère, mais surtout je parle de ce peuple qui a été plus ou moins exterminé au sortir de la dernière guerre. Bien des familles juives se sont retrouvées avec des absents sans lieu de sépulture. Et c'est le cas de ma mère qui est morte pas bien heureusement avant la guerre, juste avant la déclaration. Donc elle n'a pas eu à subir, elle vivait dans le ghetto quand même, mais elle n'a pas eu à subir ce qui s'est passé. Et donc j'ai pris comme métaphore les oiseaux. C'est un livre sur l'ornithologie, parce que je pense que le peuple juif n'est jamais là où il devrait être. Il est toujours quoi. Je suis pour la diaspora, je suis pas tellement pour Israël. Je sais pas pour le ghetto. Je pense que je suis très opposé à l'idée de se masser tous au même endroit, car ça ferait très plaisir aux Iraniens d'envoyer une bombe atomique enfin là où tous les Juifs seraient massés. Donc je suis pour la diaspora. Le vide appelle le plein. Ce qui est très important pour moi, c'est ce vide énorme que représente l'épopée du peuple juif, bien que je ne sois pas un obsédé de ma judaïté. Mais évidemment, ma mère était une obsédée de sa judaïté. C'était une mère juive vraiment très abusive, sûrement. Elle est morte, j'avais 9 ans. Peut-être heureusement pour moi, parce qu'elle m'aurait peut-être dévoré. Donc... néanmoins, ce vide, cette absence de ma mère a rempli ce livre, donc qui est considérablement épais. L'homme avait dit : comme c'est agréable de voir un grand ours conduisant par la main une mignonne petite fauvette. Oh, je t'en prie, cesse ces stupidités, avait répondu la femme. Ils ne peuvent se douter à quel point cette stupidité, prononcée en russe, m'a donné de joie, a secrètement réjoui l'étranger apparemment assoupi dans le coin du compartiment. Combien d'années maintenant sans entendre cette langue, ta langue maternelle, que tu croyais perdue. J'entr'ouvre les paupières, ils sont assis, l'un en face de l'autre, légèrement penchés. Un peu avant, l'homme m'avait dit en français... Vous faites partie du symposium ? Ma collaboratrice et moi, nous resterons à la station de la réserve, mais vous, quand vous quitterez ces terribles monts, arrêtez-vous à la sortie du dernier tunnel et visitez le musée du philosophe français où se trouve exposée la moufle qu'il aurait perdue, dit-on, alors que son carrosse avait versé. Vous qui êtes français, le saviez-vous ? Il y a 2 siècles de cela, votre divin philosophe, grand ironiste, grand moqueur du fatalisme raziat, s'était aventuré à travers ces monts. C'est pour cela que vous avez accepté de participer à notre symposium. Parfait, parfait. Pendant des années, nous n'avons pu nous déplacer librement. Et bien peu de visiteurs s'aventuraient jusqu'à la réserve ornithologique. Les oiseaux, eux, s'en allaient, revenaient, selon les saisons. Mais nous n'obtenions pas les autorisations pour les suivre. Donc impossibilité de les observer sur les lieux de leur migration saisonnière. Ils s'envolaient vers le sud-ouest et nous ne pouvions les rejoindre. Ils s'envolaient et nous restions sur place en nous remettant à la Société internationale d'ornithologie qui, de Chypre et surtout d'Israël, nous signalait nos fauvettes babillardes avec la date et les numéros gravés sur les bagues. Comme chaque année, elles avaient fait le voyage pendant que nous... Voilà pourquoi ma collaboratrice associée et moi, nous avons eu l'idée de construire le planétarium que vous verrez dans la réserve. Grâce à cette machine, malgré l'interdiction de nous déplacer, nous avons pu observer et enregistrer le comportement des fauvettes que nous gardions prisonnières. Depuis, les temps ont changé. Après un silence, il avait précisé « Les uns se sont battus pour l'ombre du passé, les autres pour l'ombre de l'avenir, et maintenant nous voilà sans passé, sans avenir, et peut-être sans présent. » J'avais souri, et me calant contre la vitre, j'avais fermé les yeux. À un moment, la femme avait dit en russe, diminuant sa voix jusqu'au murmure, « Tu crois qu'il dort ?» L'homme avait répondu sans précaution, « Qu'importe, il ne nous comprend pas puisqu'il est français. » Je garde les yeux fermés. Je ne veux pas les regarder. Je ne veux pas qu'il se doute que l'étranger ensommeillé dans le coin du compartiment les écoute passionnément. « Voilà que nous allons à la catastrophe !» dit l'homme. « Oh, cesse, je t'en prie, cesse !» dit la femme d'une voix lasse. « Regarde, là-bas !»« Quoi ?»« Ces nuages, très bas, sur les monts noirs. Nous allons comme d'habitude droit vers une terrible tempête de neige quand je pense à cette nuit de désespoir, cette nuit de folie où j'ai jeté nos fauvettes hors du planétarium. Oh, je t'en prie !» Il se taise. Je m'empêche d'ouvrir les yeux. Brusquement, il dit « des forêts, des tunnels sous les forêts, et encore des tunnels, des ponts métalliques par-dessus les forêts, et encore des tunnels sous les forêts. Et voilà maintenant la tempête. Ce pays est vraiment trop cruel. Ah, les oliviers, ah, les orangers, rêve éternel des peuples maudits. Calme-toi, je t'en supplie, tu dois te calmer. Calme-toi, toi, calmons-nous. Mais qu'importe, il dort, et même s'il ne dormait pas, qu'importe, puisqu'il est français. De toute façon, je suis d'un calme parfait. Je me calme, je ne fais que me calmer. Depuis que tu m'es revenu, je suis d'un calme tout à fait extraordinaire. » Il se tait un moment. Puis de nouveau, il s'agite. « Regarde, comme la neige file horizontalement. Mauvais signe, très très mauvais signe. Sens-tu comme le compartiment aussi, les tangues ? Quelle absurdité ce symposium. Surtout quand on choisit des dates pareilles. Tout indiquait un hiver rude et un printemps neigeux. Il suffisait d'observer nos migrateurs captifs, ou tout simplement les charançons dans la farine. Que disait-il ? Tempête de neige ? Ouragan ? Mais non, on invite, on invite. Et ils viennent du monde entier et se précipitent. Pas si fort, dit la femme. Bien, je vois que je te deviens insupportable. Je vais faire quelques pas dans le couloir. En tout cas, lui, il dort, il ne fait que dormir. Il est sorti. Elle a étendu ses jambes et s'est légèrement renversée sur le côté en fermant les yeux. Je la regarde par la fente de mes paupières. Puis je tourne lentement la tête. La nuit ? Non, pas encore. Mais un affreux crépuscule d'un jaune-violet brouillé par les rafales de neige grise. L'homme revient. « Ça s'annonce mal, » dit-il en français. « Qu'as-tu dit ? » interroge-t-elle en russe. « Je lui dis que tout va merveilleusement bien, que nous n'avons rien à craindre. » Elle se détourne et commence à fouiller dans son sac. Il continue vers moi, en français. Ma collaboratrice associée est une femme bizarre. Elle s'arrange par tous les moyens pour me persuader que mes nerfs sont malades, quand c'est elle qui a les nerfs détraqués. Ah, voilà, nous repartons. Que lui racontes-tu ? Dit-elle. De quoi parles-tu ? Ne te fâche pas, fauvette. Je lui disais que nous allons sans doute nous trouver bloqués par les congères. Mais ne nous inquiétons pas, soyons tranquilles. En tête des trains, continue-t-il en français. Il y a toujours des équipes d'hommes avec des pelles pour dégager le chasse-neige lorsque trop de glace s'accumule et forme barrage. Parfois même, c'est à la dynamite qu'ils doivent opérer pour que le train ne se trouve pas définitivement bloqué. Il poursuit, en russe. Je lui dis qu'il arrive parfois qu'un pont métallique cède et que le train se retrouve au fond d'un gouffre. Mais pourquoi lui racontes-tu ça ? Et pourquoi ne lui raconterais-je pas ça ? Cesse, je te déteste, tu es impossible. Savez-vous ce qu'elle dit ? Commente-t-il en français. Ah ! Le train repart. Sentez-vous comme il roule avec précaution. Eh non, le voilà de nouveau qui n'avance plus. Maintenant que la nuit est tombée, il n'est pourtant que 3 heures de l'après-midi à peine, il ne serait pas souhaitable que nous restions bloqués par la bourrasque. Ah ! Nous repartons. Oui, je vous disais que ma collaboratrice s'est mise en tête que nous profitons de ce qu'elle ne comprend pas votre langue pour dire en français je ne sais quelle chose désobligeante à son sujet. Passant au russe. Je dis que cela fait plusieurs années que nous étudions ensemble les fauvettes babillardes. Personne mieux que toi ne peut lire les comportements des fauvettes dans notre planétarium. Elle pousse un soupir, et fermant les yeux, elle renverse la tête contre le dossier de vieux velours de la banquette. Elle pousse cette sorte de soupir exaspéré exprès pour vous faire comprendre que je suis un homme insupportable, trop angoissé, trop épris d'elle, un homme cruellement détraqué qui profite de toutes les occasions pour s'évader dans la langue française que j'adore et qu'elle ne peut comprendre. Elle est trop profondément marquée. Figurez-vous qu'elle s'effraie de notre bavardage. Elle s'effraie d'entendre le nom de l'ornithologue Dieudonné. Tout ce qu'elle peut repérer dans notre conversation l'épouvante, comme si nous étions encore à l'époque où une simple conversation avec un étranger vous menait hors des cercles de la vie sociale. Savez-vous que tout la persécute? Qu'en elle, tout est persécuté depuis toujours, depuis avant elle, depuis la Pologne où elle n'est pas née, cette Pologne médiévale d'où se sont enfuis ses parents? Regardez-la sans avoir l'air de la regarder. N'est-elle pas marquée par l'inquiétude? Une inquiétude acquise et perpétuelle. Son regard, ses gestes, observez ses gestes. Depuis l'enfance, pendant ses études, plus tard à l'université, puis pendant ses stages d'ornithologie dans les différentes réserves du pays, toujours sujette aux soupçons, toujours soupçonnée de déviation dans sa lecture du comportement des oiseaux. On l'a traité d'anti-ornithologue, de cosmopolite anti-scientifique, et on l'a confiné dans quelque chose comme la cinquième des cellules rétrécies dont je vous parlais. On l'a réduite, on l'a comprimée jusqu'à ce qu'elle devienne suffisamment insignifiante, et le tour de clé fut donné. Heureusement qu'un jour, je suis tombé sur une de ses communications à propos des oiseaux migrateurs. Pourquoi toujours ce retour? Comment? Elle avançait que les petits passereaux règlent leur vol nocturne sur la position des étoiles. Chez nous, une femme ne peut risquer une théorie aussi dévastatrice. Tout le corps ornithologique en danger. Toutes les sciences de la nature mises en danger par une affirmation d'un cosmopolitisme douteux. Plus question, chez nous, des migrateurs dont le vol nocturne se réglerait sur les étoiles. Mais voilà qu'une nuit, au-dessus d'une de nos villes nouvelles, en pleine steppe, alors que de grands éclairages venaient d'y être installés, voilà que se produit un étrange phénomène. Ce soir-là, soudain, des cris stridents remplissent le ciel. C'était comme des appels au secours. Des zoologistes, qui se trouvaient par hasard dans la ville nouvelle, identifièrent immédiatement ces cris tombant du ciel. 400 ou 500 grues tournaient affolées au-dessus des lumières de la ville. Ces oiseaux migrateurs qui, comme nous le savons, voyagent de nuit comme de jour, n'interrompant jamais leur vol, ne déviant jamais de leur route, allant d'un vol régulier jusqu'au point où la nature leur a signifié d'aller, voilà que ces grues, soudain désorientées par ces lueurs jamais vues, se mettent à tourner et à tourner en poussant des cris. Dans leur désarroi, elles s'étaient guidées sur les points lumineux qu'elles apercevaient, non plus au-dessus d'elles, mais sous elles. Elle tournait comme si brusquement l'univers s'était renversé et qu'elle ne comprenait rien à ce brusque retournement. Elle se guidait sur ces lumières artificielles qu'elle n'avait jamais vues en ces vastes déserts. Et ce qui ne se produit jamais, lorsqu'elles peuvent faire le point sur les constellations lointaines, eut lieu cette nuit-là, au-dessus de la ville nouvelle construite par nos pionniers. Les grues restaient captives des lumières de la ville. Pendant 5 heures et demie, elles volèrent en large cercle sous le plafond des nuages. « Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre !» me dirent les zoologistes qui m'avaient appelé dans mon laboratoire des Monts Noirs, à l'autre bout de ce vaste pays. « Elle tourne depuis plus de 5 heures maintenant. Que faut-il faire, professeur ?»« Chaque tour de ville dure 20 minutes !» me dirent-ils encore. « Et elle ne cesse de crier !»« Éteignez immédiatement la ville !» leur avais-je ordonné. « Pas une minute à perdre !»« Nous n'en avons pas l'autorisation !» me répondirent-ils. « Nous devons en référer. Pas un mot de plus !» avais-je crié. « C'est une question de minutes !»« Que l'un de vous trouve le disjoncteur qui commande les lumières de cette maudite ville !» Je les entendis discuter et se concerter là-bas, au fond des steppes, où venait d'être érigée la ville. Enfin, au bout de 10 minutes peut-être, une voix pleine d'inquiétude, une voix blanche, comme on dit, m'annonça que les zoologistes avaient réussi à faire abaisser le disjoncteur. Les 500 grues étaient sauvées. Immédiatement, elles avaient repris leur route en direction du sud-ouest. Que s'était-il passé? Est-il possible que des grues migratrices aient été abusées par les lumières d'une nouvelle ville qu'elles auraient prises pour des constellations inconnues? Piégées par ces milliers de points lumineux qu'elles découvraient sous elles, elles étaient restées comme hypnotisées par ce retournement des points de repères astronomiques en désordre et inversés. La preuve était faite que les migrateurs se guident sur les constellations. Voilà comment j'ai réussi à faire remettre dans le circuit celle qui devait devenir ma collaboratrice, puis mon associée dans les travaux que nous poursuivons sur les fauvettes babillardes. Je la fis nommer auprès de moi dans la réserve des Monts Noirs, Elle vint, on ne pouvait mieux coïncider, mais avant tout, il fallait apaiser ses nerfs malades. C'est une femme épuisée qui arriva à la réserve, sujette à des sortes de léthargies qui pouvaient parfois durer des heures, des journées, avec en arrière-plan le souvenir de ce tribunal d'ornithologues officiels qu'il avait condamné pour hérésie. Il se lève, fait un aller-retour dans le compartiment et se rassied. « Nous vivons au carrefour de deux civilisations, » poursuit-il toujours en français. « Celle du silence, l'Asie, celle du bruit, l'Europe. Terrible mélange de bruit et de silence. Partagé entre un certain mysticisme et un certain besoin d'efficacité, nous sommes un mélange d'eau et de feu, d'immobilité et de mouvement, d'apathie, d'imperturbabilité et de féroce activité. Rien n'est plus approprié à l'étude des oiseaux que notre tempérament d'Eurasiate. Mais ce sont surtout nos femmes qui réussissent à nous mettre en contact avec les oiseaux. Sans des femmes, comme ma collaboratrice, rien n'avancerait en ornithologie. Sans elles, jamais le planétarium de la réserve n'aurait été conçu. Sans elles, où en seraient nos travaux ? Les nuits, les jours, elles les passent allongées sur le dos, sous les cages, à prendre des notes et à dessiner des graphiques où sont figurés les moindres mouvements d'ailes des fauvettes babillardes. Il n'est pas question de traduire les pulsions des fauvettes, leurs élans, leurs désirs d'envol, mais d'en saisir intuitivement le sens universel. Et ce don, cette jeune femme qui m'accompagne le possède. Elle possède en elle, inscrit, ce mouvement d'envol. Le désir de retour. Elle est obscurément fauvette babillarde. En elle, il y a migration, envol vers le territoire primordial depuis le temps qu'elle et ceux de sa tribu froissent leurs ailes contre les grilles que nous autres, Eurasiates, avons dressées autour d'eux. La femme paraît endormie. Ses mains sont détendues, sa tête penche sur son épaule et ses cils longs font une ombre tremblante sur ses joues. Par moments, elle fronce le nez et sa bouche se crispe sur le côté avec une expression de souffrance. Elle dort. L'homme parle. Moi, j'écoute. Sans ces grues migratrices, qui pendant 5 heures et demie ont tourné sur la ville en faisant un point falsifié sur de fausses constellations, jamais ma collaboratrice et moi n'aurions obtenu la permission de construire le planétarium que vous allez visiter dans la réserve. Demain, ou après-demain, j'espère, si la tempête se calme et que le train ne reste pas bloqué sur ce pont de fer entre deux montagnes. Ces tourbillons de neige qui fouettent sans répit les vitres de notre compartiment m'inquiètent. Le froid dehors est si vif que la neige se transforme aussitôt en glace. Si cela continue, le train entier va se trouver complètement pris dans une gangue de glace. Combien j'ai hâte que nous soyons tous hors de danger dans les bâtiments de la réserve. Vous verrez ce qu'est notre planétarium. Le cosmos en miniature. Sa construction nous a demandé plusieurs années, mais quelle autre solution avions-nous, dans un état aux frontières perpétuellement fermées, pour suivre les petits oiseaux chanteurs au moment de l'envol? Ce qui nous avait frappé, c'est que les fauvettes babillardes, les étourneaux ou les rouges-gorges mettent le cap dès le départ sur le but à atteindre. Ils n'ont besoin ni de décoller contre le vent, comme les avions, ni d'effectuer quelques vols d'essai dans le but de s'orienter, comme le feraient les pigeons voyageurs. Au sol, sans une seule hésitation, les fauvettes migratrices visent directement l'objectif. Et l'objectif se trouve être Chypre et Israël. Mystère qui restera peut-être sans solution. Israël avec un crochet charnière par Chypre. Que fîmes-nous, mon ami et moi? Nous décidâmes la construction d'un ciel, d'une calotte céleste en tout point semblable à celle qui nous recouvre. Un dôme colossal, pivotant, monté sur galets, de telle sorte que nous puissions faire tourner ce ciel à volonté pour donner l'illusion, à la lecture des constellations dont la calotte était chiffrée, que vous vous trouviez sous telle ou telle latitude. Une fois le dôme construit, nous installâmes des cages avec, dedans, des petites fauvettes babillardes prisonnières. Voilà quelle leçon fut tirée de ce que nous appelons la nuit des grues migratrices. De ce moment, il nous suffisait, sans avoir à nous déplacer, d'observer l'oiseau dans sa cage et de reconnaître, à la façon dont il sautille d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il sache qu'il s'est bien orienté sur la position de départ, pour en déduire du frémissement de ses ailes qu'il s'envolerait volontiers, si à l'instant sa cage s'ouvrait. même sans être libres de voler, ils se dirigent là où leur programme leur dit qu'il leur faut aller. Ils volent quasi mentalement vers Chypre, vers Israël, là où ils doivent aller depuis que les temps sont temps. Ma jeune amie et moi, nous faisons doucement tourner le dôme et lentement les constellations changent et nos petites fauvettes croient avancer. Elles volent, bien qu'immobiles, elles volent à tire d'ailes mentales vers les oliveraies de la Galilée. Nous leur présentons successivement tous les cieux du long voyage et elles se guident avec confiance sur notre ciel falsifié. Voyez comme elle dort. Elle a fini par s'allonger sur toute une banquette. Par chance, elle dort. Qu'elle dorme. Pendant qu'elle dort, au moins ne souffre-t-elle pas. Il semble que nos névroses restent intactes sur le seuil du sommeil. Telle que vous la voyez là, cette jeune femme a ravagé ma vie. Avant elle, j'étais un ornithologue sans histoire, un ornithologue normal. Avec moi, Ésope pouvait rester en repos. Mais elle est arrivée, et tout ce qui n'était pas ornithologie a disparu de ma vie. Rien d'autre, hors l'ornithologie vécue à travers elle, ne m'intéresse. Sauf les échecs. Car les échecs ont en commun, avec l'ornithologie, l'étude du déplacement. Seule, peut-être, l'étude approfondie du déplacement à l'échelle planétaire pourrait nous donner la clé de l'univers, ainsi que le sens de notre présence dans le trou incommensurable de l'univers. Je suis persuadé que les oiseaux en possèdent la clé. Ils ont une perception innée de l'univers. Ils sont comme le joueur d'échecs. Ils survolent l'ensemble. Ils ont une perception, je dirais, mentale de l'espace planétaire et interplanétaire. Prenez un joueur d'échecs maladivement possédé par les échecs. Sa vision spatiale se décompose en cases noires et blanches. Les objets, quels qu'ils soient, se situent sur ces cases blanches et noires, posés les uns par rapport aux autres dans des possibilités de mouvement régies par tout un ensemble de diagonales, de perpendiculaires, deux cases en avant, une de côté, et jusqu'au visage aimé, ce maniaque du déplacement le mettra en jeu, de telle sorte que le nez sera le cavalier, les yeux des pions, l'oreille le fou ou la reine, etc., etc. C'est d'une tragique banalité. Le joueur obsédé d'échecs ne pourra s'empêcher d'évaluer les chances de jeu à l'intérieur du visage de la femme aimée. Et ainsi de suite pour le corps, le bras prenant la jambe roquant avec l'épaule, etc. Il en va de même pour l'ornithologie. À force de nous mettre par effraction dans l'idée fixe des oiseaux, nous finissons par nous glisser dans leur espace et ne voir la planète que comme un prétexte à de grands courants de vol qui s'entrecroisent. Et même le cosmos n'est plus qu'une colossale boussole astronomique pour guider ses vols. Il se tait, allume une cigarette et conclut. Peut-être ne sommes-nous les uns les autres que des boussoles astronomiques sur lesquelles nous réglons nos vols. Il avait fermé les yeux. Moi aussi. C'était « Pages arrachées » au roman de Serge Rezvani. « La traversée des monts noirs », extrait lu par Yannick Choira. Musique composée et interprétée par Olivier Longre. Prise de son, montage et mixage, Hervé Dubreuil, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Baptiste Guiton. « La traversée des monts noirs » est parue aux éditions des Belles Lettres.